c'est sans hésiter. Le temps est passé, ami, tu es resté à mes côtés sans hésiter. Le temps est passé, ami, tu es resté à mes côtés sans passé.